Question 4. Je peux déposer un passager sur l'emplacement à droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le long du trottoir? Oui, réponse C. Non, réponse D.